Qu'est-ce que tu as acheté hier? J'ai acheté une veste. Où as-tu déjeuné? J'ai déjeuné à la cantine. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé du poisson. Qui as-tu rencontré? J'ai rencontré Joseph. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de sport.